un gentleman. Je laisse passer devant moi les vieilles dames. On me salue bien bas dans le voisinage. Je donne même des conseils pour le jardinage. Ces braves gens ignorent que ma passion réside en une étrange collection. J'ai un cadavre dans mon salon, celui d'une fille qui m'a dit non. Quant à celle qui m'a dit oui, elle a fini en cagibi. Un macabre chic dans le grenier, un peu d'envie pour les rosiers. Quelques dépouilles sous l'escalier, prêtes à ranger bien. Dans mon boulot, bien vu par mon nouveau patron. Le précédent ne m'aimait pas trop. Je lui avais donc lancé une invitation. Il a mystérieusement disparu après un dîner à la maison. Personne ne l'a plus jamais revu. Il fait maintenant partie de ma collection. Un cadavre dans mon salon, celui de mon ancien patron. À propos de mon augmentation, le nouveau a intérêt à être bon. J'ai un cadavre dans ma voiture, ne parle pas du vidocure. De drôles de choses dans l'établi, dans la cave et même sous mon lit. J'ai un cadavre dans mon salon, celui d'une fille qui m'a dit non. Quant à celle qui m'a dit oui, elle a fini dans le cagibi. Un macabre gîte en grenier, un peu d'engrais pour les rosiers. Quelques dépouilles sous l'escalier, prêtes à ranger bien alignées. Deux bras de jambes dans mon frigo, un torse, une tête dans le congélo. C'est d'un contrôleur des impôts qui me suivait un petit peu trop. J'ai un cadavre dans ma voiture. Ne parlons pas du vide, de drôles de choses dans l'établi, dans la cave.